du punk, des zombies, de la marée chaussée pendue par ses pieds. C'est à l'écoute de la distro Lapinothèque dans l'émission Tranche d'Anard sur Radio Air Libre. Tranche d'Anard, c'est tous les mercredis de 20h30 à 21h30. Et la distro Lapinothèque, c'est les derniers mercredis de chaque mois à 20h30. Tout ce bazar écoutable sur le 87.7 FM à Bruxelles et partout dans le monde sur radioairlibre.net. Ne vous excusez pas, ce sont les pauvres qui s'excusent. Quand on est riche, on est désagréable. Allons! Nous sommes arrivés à la moyenne de 4,2 attentats par jour. Oui, il faut distinguer les attaques individuelles. Nous disons qu'il y a une minorité qui s'impose par la terreur, la violence. Nous devons agir sur cette minorité dans le but de l'isoler et de la détruire. ويصعب الوكفر واكفر باش ينتصر. La France doit-elle rester en Algérie? Si vous répondez encore oui, vous devez en accepter toutes les conséquences nécessaires. Bonsoir, vous venez d'écouter la bande-annonce du film « La bataille d'Alger », qui est un film algéro-italien de Gillo Pontecorvo. Alors ce film est sorti en 1966. Alors pourquoi ce film? Car ce soir je vais vous présenter un petit livre qui s'appelle « État d'urgence et business de la sécurité ». Alors ce petit livre, édité chez Niette Édition en 2016, contient une série d'entretiens avec Mathieu Rigouste. Alors du coup, cet auteur est né en 1981 à Gennevilliers. Il est sociologue, essayiste français, chercheur indépendant en sciences sociales, mais surtout, il est militant antisécuritaire. Alors selon lui, l'investigation n'est pertinente que si elle est menée au service des luttes et à travers elles. Alors, ses travaux de recherche s'organisent autour de ce qu'il nomme le capitalisme sécuritaire et qu'il définit comme un stade de développement de l'impérialisme depuis que le contrôle est devenu un marché fondamental au cours du XXe siècle. Alors, dans ce petit livre, tous ces entretiens traitent, entre autres, de son ouvrage, de ce qu'il développe dans son ouvrage « L'ennemi intérieur, la généalogie coloniale et militaire de l'ordre sécuritaire dans la France contemporaine ». Ce petit livre est fondé en fait sur sa thèse dans laquelle il étudie la transformation des figures de la menace à la tête de la pensée militaire française. Alors il observe l'évolution de la doctrine française de contre-insurrection, qui est la doctrine de la guerre contre-révolutionnaire, et il montre comment les modèles de guerre dans la population servent de répertoire pour les restructurations sécuritaires. Il soutient par là que les guerres coloniales constituent des laboratoires permanents pour la production politique, économique et sociale de l'ordre sécuritaire. Alors Mathieu Rigouste, lui, il étudie aussi la manière dont la lutte contre l'immigration et la répression des quartiers populaires hein, dans les banlieues françaises ont permis de mobiliser la grammaire idéologique de la contre-insurrection dans l'État, dans la pensée de l'État, dans les appareils médiatiques et les états-majors policiers dans la France contemporaine. Bon, en fait, la plus grosse partie de ce petit livre traite de la police et de la militarisation de l'espace. Alors, Mathieu Rigouste soutient que pendant les insurrections coloniales, l'État met en place des politiques contre-insurrectionnelles pour se saisir de l'ennemi intérieur et se saisir, en fait, et ainsi, de toute la population, afin de l'écraser complètement, de lui faire la guerre en désignant un ennemi intérieur. Et pour cela, l'État va fusionner le policier et le militaire. Alors, par exemple, il reprend l'exemple de la Direction Générale des Renseignements, qui, en fait, a été élaborée pendant la répression du mouvement d'émancipation au Maroc, et puis en Indochine, et puis en Algérie. En gros, ce qui se passe, c'est qu'en Indochine, il y a des officiers et des sous-officiers à qui on va laisser le champ libre pour écraser l'insurrection, et le mouvement révolutionnaire indochinois également. Alors, ils vont systématiser toute une série de techniques pour les industrialiser ensuite en Algérie. Alors tout ça est également très bien expliqué dans un documentaire, et d'ailleurs elle a écrit un livre avant, mais elle en a fait un documentaire ensuite, c'est Marie-Monique Robin. Ce documentaire s'appelle « Escadron de la mort, l'école française », qui est visionnable facilement sur YouTube et sur Dailymotion en 4 parties. Et je vous propose ici quelques extraits où vous comprendrez que ça ne s'arrête pas du tout à l'Algérie, mais qu'en plus, ces techniques de contre-insurrection vont s'exporter en Amérique latine, aux États-Unis, au Vietnam, etc. Voilà, on se retrouve juste après. 7 mai 1954, les Vietnamiens gagnent la bataille de Dien Bien Phu et avec elle, l'indépendance. Pour les militaires français, c'est l'humiliation. Ancien résistant, le capitaine Paul Osares assiste à la débâcle. La défaite de Dien Bien Phu a été un choc. Une bonne majorité des militaires français trouvaient qu'il fallait tirer les leçons de cette défaite et puis éviter qu'on ait les mêmes déboires en Algérie. C'est pendant la guerre d'Algérie que l'état-major de l'armée se rallie définitivement à la théorie de la guerre révolutionnaire, encore appelée guerre subversive. Son obsession, couper le front de libération nationale de ses arrières, c'est-à-dire de la population. Pour cela, les Français innovent. 400 000 soldats sont déployés sur l'ensemble du territoire algérien. C'est la technique du quadrillage, la première application concrète de la théorie de l'Ashroi. Et puis le 7 janvier 1957, le ministre Robert Lacoste prend une décision lourde de conséquences. Il remet les pouvoirs de police au général Massu, qui commande la 10e division parachutiste. L'objectif ? Anéantir l'organisation politique et militaire du FLN, qui multiplie les attentats terroristes dans la capitale algérienne. Commence alors la bataille d'Alger, où les paras investissent la Casbah pour traquer les poseurs de bombes. Désormais, ils sont les seuls maîtres à bord. Leur chef, c'est le colonel Bijard, un ancien résistant qui a gagné ses galons en Indochine. Vous avez dit qu'au début, ce rôle de flic ne vous plaisait pas trop. Oui, mes hommes non plus. Mes capitaines préféraient le djebel, le combat contre un homme qui se bat en face de vous, qui se bat bien, bah, tant mieux. Quoi. Voilà, c'était plus dans notre nature que faire un travail de flic. On l'a fait un travail de flic rapide, quoi, à la para. Pour dénoncer la guerre sale menée par les Français, le film « La bataille d'Alger » a été utilisé pour former les militaires argentins à la lutte antisubversive. Qui a fourni la copie du film ? Mystère. Alors, tu ne pouvais pas te décider ? sans faire tant d'espoir, ça aurait été mieux pour toi. Hannibal et Julio étaient cadets dans la marine argentine quand on leur présente le film en 1967. 5 ans plus tard, les deux officiers seront emprisonnés, puis limogés de l'armée pour avoir dénoncé l'usage de la torture. Ce ne sont pas des souvenirs agréables parce que tout ça, je l'ai vécu dans ma propre chair. Qui vous a présenté ce film à l'école navale ? Nous étions cadets à l'école navale. C'est le directeur d'études, avec l'aumônier militaire qui était en charge de l'école navale, qui nous ont présenté le film. Il y avait 10 ans un accompagnement religieux. L'aumônier militaire justifiait les méthodes de la bataille d'Alger ? Tout à fait. Y compris la torture ? Oui, elle n'était pas considérée comme un problème moral, mais comme une arme de combat. Il faut savoir qu'ici en Argentine, tout un secteur de la hiérarchie catholique a complètement soutenu ce genre de pratique. En revoyant ce film, je me dis qu'ils nous l'ont présenté pour nous préparer à une guerre qui n'était pas celle pour laquelle nous étions entrés dans l'école navale, c'est-à-dire la guerre régulière. En fait, ils nous préparaient à une guerre irrégulière, en nous habituant petit à petit à des méthodes qui seront largement employées par la suite. Rien à voir avec la guerre contre un ennemi extérieur. Ici, on nous prépare à des tâches policières contre la population civile, qui est devenue le nouvel ennemi. Alors, pour justifier la mise en œuvre de cette violence de guerre contre la population, ces officiers, mais c'est vrai qu'on l'entend dans le documentaire également, reprennent l'analyse de Mao, donc qui parle de prendre soin de l'arrière, donc de la population, mais aussi qui dit que le guerriero doit vivre dans la population comme un poisson dans l'eau, et que donc, pour saisir le poisson, il faut se saisir de l'eau. Et les officiers vont ainsi systématiser plein de manières d'attraper le poisson. Alors une des premières manières, c'est de l'attraper comme avec un harpon. Alors en gros, on met en place des unités spéciales qui vont faire disparaître les gens, mener de vrais faux attentats, décimer des villages et ensuite attribuer cela à l'ennemi. Une autre technique promue par l'armée française pour se saisir du poisson, c'est de tendre un filet dans le but de filtrer l'eau. Ça s'appelle le quadrillage militaro-policier du territoire. Et ça, le quadrillage, on y revient plus loin. Alors, une autre manière de saisir le poisson, c'est d'empoisonner l'eau. Alors ça, c'est les techniques d'action psychologique qui sont mises en place en Indochine et en Algérie. Et c'est donc l'utilisation de la propagande pour diffuser des fausses rumeurs sur l'ennemi, pour intoxiquer, pour amener des populations à soutenir l'impérialisme français. Il s'agit donc ainsi de diviser la résistance anticolonialiste. Alors selon Mathieu Rigouste, c'est cette doctrine dont l'essence est de pouvoir faire la guerre à sa population, qui fonde et qui inspire l'État-nation français moderne. Alors maintenant, on va faire un petit point particulier sur le quadrillage. Alors la question que pose Mathieu Rigouste est celle-ci. Est-ce que l'État n'est pas né avec le contrôle et la capacité à connaître sa population ? Parce qu'en fait, il revient sur les mots statistique et État qui ont la même racine, stat. Alors la statistique, c'est la comptabilité d'État. Le quadrillage, par exemple, suppose de mettre des lettres ou des numéros sur les maisons pour pouvoir savoir qui est où, qui connaît qui va où et quel jour. Alors les États vont mettre en place ce quadrillage à travers la poste, entre autres, des numéros sur tous les appartements, dans toutes les maisons. Et ça, ça a une fonction policière avant tout, le quadrillage. il parle aussi de la figure de l'ami. En fait, il n'y a pas de figure de l'ennemi sans figure de l'ami. Donc, le sauvage, c'est l'ami. À côté du colonisé tueur anthropophage, il y a aussi la figure du bon banania, hein, la figure du noir gentil lié au capitalisme du cacao. Souvent, c'est la fraction gauche de la bourgeoisie qui va mettre en place les figures de l'ami et les fractions de droite qui vont mettre en place les figures de l'ennemi. Mais ces fractions, en fait, elles fonctionnent ensemble et elles ont besoin de l'alternance politicienne pour gouverner. Un exemple typique, c'est quand les jeunes des banlieues arrivent dans des manifestations et que les centrales syndicales et toute la gauche, et les médias d'ailleurs, s'indignent de l'irruption des sauvageons. Donc ça, c'est un exemple assez concret de la fabrication de l'ami et de l'ennemi. Alors, il parle également de prévention situationnelle et de rénovation urbaine. En banlieue comme ailleurs, la prévention situationnelle, c'est un peu comme la contre-insurrection. Il s'agit de se saisir de la menace avant qu'elle n'ait pris forme. Donc, de transformer le quartier pour mieux le policer. Connaître les gens et les populations pour pouvoir extraire, saisir, réprimer les populations qui vont peut-être devenir des délinquants, des criminels, des terroristes, révolutionnaires, émeutiers, etc. Donc ces doctrines, elles ont complètement transformé les villes, mais elles se sont conjuguées aussi aux doctrines de rénovation urbaine. Toutes les nouvelles formes de quartiers gentrifiés, hygiéniques, sécuritaires, sont basées sur la prévention situationnelle, comme ils appellent. Donc sur la capacité à aménager la vie des gens pour qu'ils ne puissent pas se révolter et que l'action policière soit plus facile à mener. Et pour les surveiller, les contrôler et les réprimer et empêcher l'insurrection. Dans toutes les réunions de rénovation urbaine, il y a des flics. Et aussi parfois des militaires d'ailleurs, pour contrôler les constructions. Alors ça va aussi avec la mixité sociale. Cette idée de la mixité sociale est un concept complètement théorique. En fait, il ne s'agit pas du tout de mixité sociale, mais il s'agit d'une politique de remplacement et de déplacement des populations, qui sont aussi en lien avec les rénovations urbaines, etc. Alors maintenant, c'est vrai que pour en arriver à ce qui se passe depuis Charlie, Mathieu Rigous met le point quand même sur le fait que après les attentats de 2015, il y a 10 000 militaires qui ont été déployés à l'intérieur du territoire, c'est-à-dire autant qu'à l'extérieur. Et donc la dernière fois qu'il s'est passé quelque chose d'équivalent en France métropolitaine, c'est peut-être pendant la Commune, et encore, c'est même pas sûr. Donc en fait, ils ont utilisé la médiatisation des attentats contre Charlie pour militariser le territoire. Alors pourquoi l'armée ? Ben, en fait, ça fait quelques années que les états-majors politiques, économiques et militaires ont vu que la France est le prochain pays sur la liste des décrochages financiers, après la Grèce, l'Italie et l'Espagne. Et les militaires sont donc là, si jamais ça part en live. Selon Mathieu Rigouste, ils ont obtenu des budgets nécessaires pour mettre en place l'opération Sentinelle, mais de façon permanente. Et donc à mesure que l'on entre dans des phases pré-révolutionnaires, on peut voir que le pouvoir militaire prend de plus en plus de poids dans la forme de l'État. Et la militarisation de l'État et de la société est la logique générale de la contre-insurrection et puis du capitalisme sécuritaire. Il s'agit donc de mettre en place des petites casernes dans toutes les grandes villes pour que les militaires puissent vivre sur place au cas où. Parce qu'en plus, ils n'ont plus vraiment de guerre à l'extérieur, donc ils se font un peu chier, quoi. Il faut les occuper. Alors le modèle de militarisation du territoire et de quadrillage militaro-policier qui est en train d'être expérimenté va permettre de passer en mode militarisation en l'espace d'une journée ou deux, comme ça s'est fait après Charlie, avant de redescendre un peu, parce que en fait on est quand même dans une société démocratique, spectaculaire, marchande. C'est-à-dire qu'il faut maintenir un semblant de légalité, de règles du jeu, même si le jeu est truqué. Alors, ce qui se joue, en fait, c'est ça. Un protocole de quadrillage militaro-policier qui puisse en permanence être nivelé et passer quasi instantanément en mode militarisation. Bon, Mathieu Rigouste, il précise quand même que son petit bouquin, là, avec ça, il ne s'agirait pas de produire de l'autocontrôle en laissant croire qu'il s'agit d'un système de contrôle parfait et absolu. Là, il est tout à fait contre cette idée-là. Pour lui, il s'agit juste de connaître précisément le fonctionnement des forces auxquelles on a affaire et de bien savoir là où elles dysfonctionnent justement. Et elles dysfonctionnent souvent. En fait, presque à chaque fois qu'elles fonctionnent, il y a des manières de les saboter et de les dissoudre. Deux et deux ne font peut-être pas toujours cinq. Radiohead, Two and Two Makes Five, sur l'album Hail to the Thief. Salut. Such a dreamer to put the world to rights. I stay home forever, but tune to always makes a fire. Les tôles, le giproc, le bois, les vis, les clous. pour aller chercher ce qui se cache derrière les maisons, les rues et les quartiers que nous habitons. Je vais présenter The Housing Monster, travail et logement dans la société capitaliste, publié aussi donc chez Niette. Et c'est une traduction américaine issue de Prolinfo. Le format, c'est une brochure. C'est une grosse brochure, quoi. Petit livre, brochure. Et c'est une sorte de petit capital illustré et appliqué à la question du logement. Il aborde la mécanique des rapports sociaux capitalistes en partant de l'expérience concrète des travailleurs et des travailleuses fort peu nombreuses, j'y reviendrai, du bâtiment. Et donc ça parle pas mal de ça, mais aussi de spéculation immobilière, de foncier, des terrains, de gentrification, du rapport au syndicat, de lutte des classes. Et donc ça commence par raconter ce qui se passe concrètement sur un chantier de construction, en déterminant et en définissant la marchandise travail. La marchandise travail qui est celle que l'ouvrier, prolétaire, vend lorsqu'il travaille pour un patron, investisseur, bref, un propriétaire des moyens de production. Par exemple, cet investisseur achète un terrain, paye un architecte pour dessiner les maisons, engage un entrepreneur qui lui-même engage encore toute une série de corps de métiers différents, et les ouvriers vendent leur force de travail, passent plein de temps sur le chantier et construisent une maison qui ne leur appartient pas. Donc, dans ces corps de métiers, il peut y avoir le poseur de gyproc, le maçon, le charpentier, le manœuvre, l'électricien, le carreleur de la piscine, le jardinier, et j'en oublie plein, quoi. Il y a toute une série de corps de métiers qui y passent. Ils ont tous en commun de vendre leur main d'œuvre, de vendre leur main et leur travail pour créer une plus-value qui ira directement dans la poche de l'investisseur. Une fois que l'investisseur a payé tout le monde, il vendra la marchandise maison. Il aura plus d'argent que ce qu'il aura investi. Et ce plus, cette plus-value, elle proviendra du temps que les ouvriers auront passé à bosser sur le chantier. La brochure va plus loin en décortiquant capital constant, les grues, les machines, capital variable, qu'on pourrait définir comme étant l'ensemble des travailleurs des métiers du bâtiment. Et donc, la brochure aborde aussi les différents aspects de l'exploitation salariale, en se concentrant aussi sur les cadences, les divisions internes au sein des travailleurs. Et il y a un truc qui m'a marqué là-dedans. C'est une petite analyse par rapport au sexisme sur les chantiers qui sont au service du patron. Parce qu'au-delà de ce qu'on connaît de l'absence, de la quasi-absence des femmes, ou des blagues sexistes qui sont fort existantes dans ce milieu-là, pour être un vrai mec, être un vrai mec sur un chantier, ça consiste aussi à pas se mettre de protection sur les oreilles, à faire des heures supplémentaires tranquilles, à faire le malin en faisant des heures sup, à se blesser, à dire que tout va bien, à soulever des matériaux lourds tout seul, par exemple. Mais au final, c'est toutes des petites choses qui produiront plus, enfin, qui feront en sorte que la maison, dans l'exemple que j'ai cité, sera construite plus vite. Et qui ramèneront plus de fric au patron et qui useront nos vies encore plus. Comme dirait la brochure, la connerie, c'est rentable. Et puis après, la brochure continue sur les prêts, le foncier, la croissance, la gentrification, le contrôle des loyers, des perspectives de lutte radicale. Et je vais vous lire un petit passage qui m'a parlé dans ce que j'ai dit. Lorsque le besoin d'une réelle critique du système se fait sentir, les pseudo-critiques faussées et contre-productives se multiplient. Se plaindre du capital spéculatif et parasite, c'est défendre un capital bon, productif et industriel. Se plaindre des profits obscènes des grandes entreprises, c'est défendre les modestes profits des petites entreprises. Se plaindre des hommes riches et blancs qui gouvernent, c'est sous-entendre que dans la même situation, une femme pauvre de couleur ferait les choses différemment. Un milliardaire dont l'entreprise fonctionne grâce à des gens si pauvres qu'ils n'ont que leur force de travail à vendre et qui sont payés juste ce qu'il faut pour être maintenus dans cette position, donne une part du profit qu'il extrait d'eux pour, soi-disant, lutter contre la pauvreté. Les critiques contre les hommes d'affaires immoraux ou les tentatives de créer un commerce équitable ne font pas en sorte que les mouvements de la valeur dans l'économie suivent les critères plus éthiques. Une critique du capitalisme basée sur des clichés n'amène qu'à transformer la critique du capitalisme en un cliché. Combinée à une volonté de moralisation, les monstres apparaissent partout. Industriels véreux diaboliques, politiciens menteurs, spéculateurs cupides, policiers sadiques, criminels de guerre fous. Dire d'une chose qu'elle est monstrueuse, c'est admettre qu'on ne la comprend pas. Il y a plein de patrons, de banquiers, de propriétaires et de promoteurs immobiliers qui mériteraient sûrement une bonne raclée dans une ruelle sombre. Mais les diaboliser ainsi ne fait que masquer le fait que le système recrée continuellement une police répressive, des connards de patrons et des politiciens hypocrites. Sans parler des travailleurs faibles, craintifs, lésés et isolés. Voilà, moi c'est ça qui me parlait le plus dans cette brochure. Du coup, enfin, tout ce décortiquage des rapports sociaux de production capitalistes qu'on peut voir partout et tout le temps, et vraiment du coup cette critique radicale. Et ma petite critique, c'est que c'est un peu trop dense, c'est une chouette tentative, mais faire tout ça en 100 pages, c'est optimiste. Et voilà, parfois c'est un peu trop dense. Mais je vous la conseille quand même. Et maintenant, on va s'écouter Dubamix, Dubbing Circus. Je veux, si je suis élu président de la République, que d'ici à 2 ans, plus personne ne soit obligé de dormir sur le trottoir. Plus personne. Personne. Parce que le droit à l'hébergement, je vais vous le dire, c'est une obligation humaine, mes chers amis. C'est vrai, la vie est dure, mais je m'attends à du gouvernement. Je ne peux plus me serrer la ceinture, j'ai déjà atteint le dernier cran. J'ai minci avec la conjoncture, je flotte déjà dans tous mes vêtements. Avoir un hébergement, c'est dur, mais il faut manquer éperdument. Les moules à parole ne savent que faire du vent. Allez voter les gars synonymes ne perdent du temps. Il faut le minimum, ma patte la masse, amasse les votes. Le corps à couleur est percutant. La France est français, le changement c'est maintenant. Chacun sa ligne de conduite, mais dans tous les cas la fuite des événements. Montre que les paroles s'envolent, que les bananes pas cabanes s'envolent. Moi je n'aime que quand la basse résonne, que le beat est fat et que la vibe est bonne. Avec de ma voix je déconne, tous les métans mal ne peuvent pas d'un déconne. Depuis le début ça cumule des débilités, mais dans le tous les jours au sol ça passe des corps. Salaire c'est trop bas. Loyer c'est trop cher. Salaire c'est trop bas. Loyer c'est trop cher. Pour l'association Droit au Logement, la réquisition des logements vacants permettrait de loger rapidement et durablement toutes ces familles. Réquisition. Voilà. voyou voleur schnappant. Qu'est-ce que ces hurlements? Bandit, voyou, voleur, schnappant. C'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Il avait dit, j'en ai assez de la maison de redressement. Et les gardiens, à coups de clé, lui avaient brisé les dents. Et puis, il l'avait laissé étendu sur le ciment. Bandit, voyou, voleur, schnappant, maintenant il s'est sauvé. Et comme une bête traquée, il galope dans la nuit. Et tous galopent après lui, les gendarmes, les touristes, les rentiers, les artistes. Bandit, voyou, voleur, schnappant, c'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Pour chasser l'enfant, pas besoin de permis, tous les braves gens s'y sont mis. Qui est-ce qui nage dans la nuit? Quels sont ces éclairs, ces bruits? C'est un enfant qui s'enfuit, on tire sur lui à coups de fusil. Bandit, voyou, voleur, schnappant, ces messieurs sur le rivage sont bredouilles et verts de rage. Bandit, voyou, voleur, schnappant. Rejoindras-tu le continent? Des oiseaux tout autour de l'île, il y a de Dans ce qui suit, nous allons voyager à Montevideo, Uruguay, dans le début des années 30. Je vais vous parler d'histoires d'anarchistes, de prison et d'évasion. Au travers du livre Charbonnerie El Buen Trato aux éditions Tumult, édité en 2018. Montevideo, capitale de l'Uruguay, vit alors en plein essor économique et démographique. Elle compte alors un peu moins d'un demi-million d'habitants. À cette époque, l'Uruguay a une législation tolérante vis-à-vis des immigrantes et des immigrantes. Il y a entre autres beaucoup d'Italiens qui s'y installeront. Fuyant le fascisme en Italie, ou ayant participé aux luttes intenses en 1917, 1919, 1920 en Italie, il y avait donc beaucoup d'immigrants italiens, dont un certain Gino Gatti, un anarchiste inconnu des autorités uruguayennes. Né dans la province de Pavia, il sera accompagné de sa femme et de leur fille en bas âge. La famille Gatti décide d'ouvrir une charbonnerie qui s'appelle El Buen Trato, dans la rue Solano Garcia, au numéro 2529, juste en face de la prison Punta Caleta. Juste après aussi, une enquête policière qui vérifie les identités des habitants aux alentours de la prison. La famille Gatti, après cette enquête, peut s'y installer. Les affaires vont bon train. Jour après jour, les demandes en charbon augmentent. Les voisins se lient à la famille Gatti. Et il se passe des choses très secrètes d'ailleurs dans cette charbonnerie. Soudain, en mars 1931, la famille décide de quitter Montevideo pour emménager à Buenos Aires, pliant boutique après moins d'un an d'activité. Quelques jours après leur départ, dans la cour de la prison de Punta Caleta, ou pour être plus précis, le 18 mars 1931, au soir, dans la prison, on respire une atmosphère peu habituelle, une atmosphère quasi de bonheur. Et c'est pour ça qu'un gardien reçoit l'ordre d'observer particulièrement un certain Erwin Polk, un vieil anarchiste allemand, qui avait décidé ce soir-là de jouer une partie d'échecs. Mais au même moment, d'autres prisonniers se rapprochèrent de la salle de bain de la prison et s'engouffrèrent dans un tunnel. Pendant que les derniers prisonniers s'échappèrent, les voisins de la dorénavante ex-charbonnerie remarquent que des gens sortent en courant de l'établissement, donc de l'ex-charbonnerie. Ils avertissent à l'instant la police qui arrive aussitôt et fait éruption sur les lieux. Une fois à l'intérieur, les agents mettent bien peu de temps à comprendre qui étaient ces personnes qui fuyaient. En effet, au fond d'une pièce, ils découvrent un grand trou dans le plancher et puis un puits parfaitement éclairé qui s'enfonce profondément. À côté de la cavité, il y a un billet où on peut y lire « La solidarité entre les Akrata ne se réduit pas à des paroles ». L'alarme est immédiatement donnée dans la prison et le décompte des détenus fait tomber le verdict. 11 personnes se sont évadées, 7 d'entre elles sont anarchistes. Alors qui sont ces anarchistes? La plupart faisaient partie de groupes d'action qui agissaient par le moyen du sabotage, de l'expropriation des banques pour soutenir, entre autres, la presse anarchiste. Ils agissaient en Amérique du Sud dans les années 20 et 30. Alors, une autre histoire qui se passe 40 ans après, exactement en 1971, et qui n'a rien à voir avec cette histoire d'anarchiste et qui ne se retrouve pas dans le bouquin que je vous ai présenté, mais c'est juste bon à savoir. 40 ans après, un groupe de guérillas appelé les Tupamaros remettra le couvert en creusant eux aussi un tunnel qui croisera d'ailleurs le tunnel de ces anarchistes de 1931. Et d'autres prisonniers s'y échappèrent. On compte une centaine de personnes qui ont participé à cette évasion. Enfin, qui se sont échappés, je veux dire. Voilà. L'ironie de l'histoire de cette fameuse prison, c'est qu'elle a été transformée en un grand centre commercial plutôt chic, le Shopping Center de Punta Caleta. D'ailleurs, maintenant, on s'y évade pas ou pas vraiment. On s'y enferme volontairement dans les manteaux de l'aliénation et de la luxure du capital. Voilà, donc je vous ai présenté El Buen Trato, Charbonnerie, un ouvrage aux éditions Tumulte. Mon point critique, c'est que c'est très court, ça fait 70 pages, c'est un gros article. On aimerait bien en savoir évidemment plus, mais heureusement, on a reçu récemment à la Pinothèque un ouvrage des mêmes éditions et qui se sont associés avec L'Assoiffé, où ils ont édité un livre qui s'intitule « Face à face avec l'ennemi ». C'est un bouquin qui reprend l'histoire de, entre autres, Servigno di Giovanni et les anarchistes intransigeants dans les années 20 et 30 en Amérique du Sud. Et là, on a un bon pavé de 540 pages que je n'ai pas encore lu, mais que j'ai déjà commencé. Et c'est très passionnant parce qu'on apprend beaucoup plus d'histoire et sur les motivations et les pratiques de ces anarchistes intransigeants peu connus. Et donc, voilà, vous avez ces deux ouvrages-là disponibles à la Distro La Pinothèque. Et on va s'écouter tout de suite un morceau qui s'appelle « Je suis un évadé » de Ludwig von 88 et Nuclear Device. Nuclear Device, on a aussi un ouvrage sur ce groupe à la Distro. C'est parti, « Je suis un évadé ». Recherche de tout leur faire une proie pour les limiers, le gibier pénitentiaire. Je ne remettrai jamais ma tenue de prisonnier. Je ne remettrai jamais Voilà, on arrive tout doucement à la fin de l'émission. On avait un petit point agenda, mais vu la situation actuelle, on n'a pas de date officielle. Mais donc, si vous voulez nous inviter, n'hésitez pas. On est partant, toujours partant, voilà. À se déplacer, à se balader. On n'a pas encore essayé de se balader avec la Lapinothèque, mais on pourrait essayer. Les balades restent autorisées, donc on pourrait faire une balade Lapinothèque dans les bois. Ouais, et puis on peut même faire des trucs qui ne sont pas autorisés. Hein. Qu'est-ce que tu... Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on s'écoute pour... Ça va, on aura le temps de rentrer chez nous avant le couvre-feu. Qu'est-ce qu'on s'écoute? Allez, on va s'écouter un petit truc. On va s'écouter Barren, Illusion. Bonne écoute. À tout de suite. Sound of all defeat. Illusion. Sound of sirens. the world of a nation. It's a cradle of dreams. You can wave goodbye to your hopes and dreams. It clubs around to the sound of the machine. The switch of volume, resistance. Just pour your head, enjoy the run and fun. We close our eyes to mass insanity. The gleeful in the sea, love to feel that they are free. So wave goodbye to your hopes and dreams. We dance and on the grave to the sound of our defeat. No matter though the rule, they're all gonna be the same. No matter though the rule, they'll always be the same. No matter though the rule, they'll always be the same. No matter though the rule, they'll always be the same. No matter though the rule, they'll always be the same. No matter though the rule, they'll always be the same. No matter though the rule, they'll always be the same. No matter though the rule, they'll always be the same. Illusion. On a parlé d'agenda et de se faire inviter. Et donc notre contact, c'est lapinothèque@riseup.net. Et vous pouvez retrouver les infos sur le blogspot de Lapin Électrique, les sorties, les podcasts. Et puis ce soir, on fête... Ah, surtout, on dit merci à camarade Serge qui fait la technique à chaque fois pour la distro Lapinothèque. Merci Serge. Et puis ce mois-ci, c'est un mois un peu spécial. C'est les 40 ans de Radio Air Libre. On sait 40 ans ou 40 ans, on ne sait plus. Et donc, on a sorti le champagne. Tchin tchin. Et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour l'émission Distro Lapinothèque. Ce sera le mercredi 25 novembre. Bon anniversaire Air Libre et vive les radios libres et continuons à, à faire des choses, quoi, non, en ces temps de... Tout à fait. Tout à fait, Dylan. Salut. Salut, bonne soirée. Bon, c'est parti. Bientôt. Salut. Ciao. Ciao, générique. Be very, very quiet. I'm hunting rabbits. Une invasion de lapins eut lieu et menace toujours. Des lapins si nombreux qu'ils mettent la vie de l'homme en danger en dévorant ses récoltes et détruisant ses biens. Le matin, et il dormait bien. Il ne savait rien, et il se sentait bien. Il ne pensait à rien, et c'était mieux que rien. Il dormait le matin, et on était là. La distro Lapinothèque est un espace de diffusion de tracts, de gros jeux, de vinyles, de livres, qui planent et plongent dans la culture punk, alternative et populaire, et dans les mouvements sociaux. Vous pouvez nous retrouver lors de concerts, de discussions pour parler. Emportez ce qui vous plaît, soit à prix de soutien, soit à prix coûtant, parce qu'on fait pas de bénéf. On est sur les ondes de Radio Air Libre tous les derniers mercredis du mois dans l'émission Tranche d'Anard à 20h30 sur le 87.7, écoutable et réécoutable sur le site de radioairlibre.net. Vous pouvez nous appeler au 02 344 58 55 ou nous écrire au 365A, Chaussée d'Alzenberg à Bruxelles.